Tu as les cheveux blonds et de vrais faux tatouages. Un piercing sur l'ichon, tu fais plus que ton âge. Arrêtez les cours, commencez le chum du. Même si tu passes tes jours à t'asseoir sur ton cul. Quelle est belle ta vie, à rien foutre de la journée. De toute façon, tu vis la nuit en boîte toute la soirée. Il y a tant de choses à faire que tu ne feras jamais. Il y a tant de choses à vivre dont tu ne rêveras jamais. Ça, tu la ramènes. C'est pour ça que ton petit ami change une fois toutes les deux semaines. Et pour lire un livre, ben là, y a plus personne. Tu sais même pas être libre, sans lire tu t'emprisonnes. Quelle est belle ta vie, à rien foutre de la journée. Tu vis la nuit en boîte toute la soirée. Il y a tant de choses à faire que tu ne feras jamais. Il y a tant de choses à vivre dont tu ne rêveras jamais. Il y a tant de choses à faire.